Le chasseur demanda à la mère Gâteau si elle avait monté à la roue, à la montagne de Vilna. « Va, dit-elle, si j'en avais eu la force, je n'aurais pas manqué mon coup. J'en ai ramassé dans la neige, mais ça m'a beaucoup avancé. » Lorsqu'on se trouve avec des coquins qui ne respectent rien, il n'y a pas de sûreté pour le sexe. Le soir après avoir passé la montagne, lorsque j'arrivais au bivouac des chasseurs de chez nous, et comme j'avais encore un peu d'eau-de-vie que j'apportais de Vilna, je la donnais pour avoir une place au feu. Et je me couchais sur la neige entre deux chasseurs du régiment, ou plutôt deux voleurs, qui m'ont chipé la moitié de mon argent. Par bonheur, j'étais couché sur une poche qu'ils n'ont pas pu vider. Après cela, fiez-vous donc à des camarades. Heureusement que j'en ai encore assez pour aller jusqu'à Elbing, où l'on dit que nous nous rassemblons. Une fois là, nous nous arrangerons de manière à pouvoir recommencer la campagne. Je ne veux plus de voiture, j'aurai deux cognats, avec des paniers sur le dos. Nous serons peut-être plus heureux, pas vrai, Marie? Marie ne répondit pas. Marie, dit le vieux chasseur, c'est son deuxième depuis un an. Et si elle veut, je l'épouse en troisième. Toi, vieux chenapan, répond la mère Gâteau, elle n'aurait pas besoin d'autre pratique que la tienne. Le chasseur s'approcha de Marie et lui présenta un morceau de viande de cheval. Marie l'accepta en lui disant « Merci, mon vieux. » « Ainsi c'est dit, continua-t-il en arrivant à Paris, je vous épouse, je fais votre bonheur. » Marie, pour toute réponse, fit un soupir en disant « Peut-on plaisanter une malheureuse femme comme moi ?»« Tout ce que je viens de dire, reprit le vieux chasseur, n'est que pour plaisanter. Et la preuve, sans rancune, c'est que j'offre à la mère Gâteau ce que je viens de vous offrir, Marie, un petit morceau de dada sur le pouce. » En même temps, il s'avança pour le lui offrir. Mais la mère Gâteau, en le voyant venir, lui dit, en le regardant avec colère, « Va-t'en au diable, je ne veux rien de toi. » À cette sortie de la mère Gâteau, Marie, qui était assise devant moi, leva la tête en disant que ce n'était pas le moment de se fâcher. Ensuite, elle me regarda des pieds à la tête. « Je crois ne pas me tromper, dit-elle en m'appelant par mon nom. C'est bien vous, mon pays ? Oui, Marie, c'est bien moi. » Je venais à mon tour de la reconnaître. Non pas à sa figure, mais à sa voix. Car la pauvre Marie, sa fraîcheur, avait disparu. Le froid, la misère, le feu, la fumée du bivouac l'avaient rendue méconnaissable. C'était Marie, notre ancienne cantinière, dont j'avais rencontré la voiture abandonnée, avec deux blessés dans la nuit du 22 novembre, et que je croyais morte. Voici son histoire. Marie était de Namur. C'est pour cela qu'elle m'appelait son pays. Son mari était de Liège, un peu mauvais sujet à émettre d'armes. Marie était la meilleure pâte de femme, n'ayant rien à elle, débitant sa marchandise aux soldats et à ceux qui n'avaient pas d'argent, comme à ceux qui en avaient. Dans toutes les batailles que nous eûmes, elle fit preuve de dévouement en s'exposant pour secourir les blessés. Un jour, elle fut blessée. Cela ne l'empêcha pas de continuer à donner ses soins, sans s'effrayer sur le danger qu'elle courait, car les boulets et la mitraille tombaient autour d'elle. Avec toutes ses belles qualités, Marie était jolie. Aussi avait-elle beaucoup d'amis. Son mari n'en était pas jaloux. En 1811, étant campé devant Almeida, Portugal, quelques mois avant notre départ pour la campagne de Russie, il prit envie au pauvre homme d'aller marauder dans un village. Il entra dans un château, s'empara d'une pendule qui ne valait pas 20 francs, eut le malheur de la rapporter au camp et de se faire prendre. Et comme il y avait des ordres sévères pour les maraudeurs, monsieur le général Roguet, qui nous commandait, le fit passer à un conseil de guerre. Il fut condamné à être fusillé dans les 24 heures. Par suite de cette catastrophe, Marie devint veuve. Dans un régiment et surtout en campagne, lorsqu'une femme est jolie, elle n'est pas longtemps sans mari. Aussi, au bout de 2 mois de veuvage, Marie était consolée et remariée, comme on se marie à l'armée. Quelques mois après, son nouveau mari passa sous officier dans un régiment de la jeune garde. Alors elle nous quitta pour suivre son nouvel époux. Elle était avec nous depuis 4 ans. En Russie, elle eut le sort de toutes les cantinières de l'armée. Elle perdit chevaux, voitures, lingots, fourrures et son protecteur. Tant qu'à elle, elle eut le bonheur de revenir. 4 mois et demi plus tard, le 2 mai 1813, à la bataille de Lutzen, le hasard me la fit rencontrer. Elle venait d'être blessée à la main droite, en donnant à boire à un blessé. J'ai appris depuis qu'elle était rentrée en France et qu'elle avait reparu aux 100 jours. À la bataille de Waterloo, elle fut faite prisonnière. Mais comme elle est sujette belge, elle rentra en toute propriété au roi de Hollande. Je demandai à Marie où était son mari. « Vous savez bien, me répondit-elle, qu'il a été tué à Krasnoé, chose que j'avais ignorée jusqu'à présent. C'était un bon enfant, celui-là, je le regrette beaucoup. » Ensuite, elle fronça les sourcils, baissa la tête. Un instant après, elle la releva, et comme j'avais toujours les yeux fixés sur elle, elle me regarda en riant, mais d'un sourire triste. Je lui demandai à quoi elle pensait. « À manger, comme vous voyez. Avant, j'avais un ami qui m'en donnait. À présent, je mange lorsque l'on m'en donne, ou lorsque j'en trouve, chose bien rare. Il n'y a qu'à boire. » En même temps, elle prit une pincée de neige qu'elle porta à sa bouche. Je la vis se lever avec peine pour se mettre en marche. Elle me donna une poignée de main et me dit adieu. Je remarquai qu'elle était courbée par la fatigue et la misère, qu'elle marchait péniblement, appuyée sur un gros bâton de sapin. La mère Gâteau la suivait, toujours sa chabraque sur la tête, jurant et marmottant entre les dents. Je compris que c'était toujours après le vieux chasseur. Dans ce moment, nous pouvions être 40, et à chaque instant, notre nombre augmentait. J'aperçus un sergent du régiment. Il se nommait Humblot. En me voyant, il me demanda ce que je faisais là. Je lui répondis que je me reposais et que j'examinais si je ne ferais pas bien de passer la nuit où je me trouvais et de partir le lendemain de grand matin. Humblot, qui était un brave garçon et qui m'aimait beaucoup, me fit des observations très justes, d'abord sur le temps qui était supportable, sur l'avantage qu'il y aurait pour moi de traverser la forêt, où, me disait-il, de l'autre côté, nous trouverions des maisons où nous pourrions passer la nuit. Le lendemain, nous arriverions de bonne heure à Villebalen, une petite ville à 3 ou 4 lieues d'où nous étions, où nous trouverions nos camarades et pourrions nous procurer des vivres. Enfin, il fit temps que je pris mon sac et mon fusil et partis avec le sergent Humblot. En marchant, Humblot me dit que, quoique nous fussions dans la Poméranie prussienne, il n'était pas prudent de marcher isolé en arrière, car plusieurs milliers de Cosaques avaient passé le Niemen sur la glace. Ensuite, il me conta qu'il avait quitté Kovno, hier dans la journée, avec beaucoup d'autres, et sans s'inquiéter de rien, puisque le maréchal Ney y était encore à se battre, avec une arrière-garde composée d'Allemands et de quelques Français, afin d'empêcher les Russes d'entrer dans la ville et de donner le temps aux débris de l'armée de sortir. Ces Allemands, me disait-il, qui faisaient partie de la garnison de Kovno, qui se portaient très bien et à qui rien n'avait jamais manqué, étaient de pauvres soldats. Sans la présence des Français en petit nombre parmi eux, ils auraient jeté leurs armes et fui. « Je vais, continua-t-il, te conter ce qui m'est arrivé hier, et tu verras si je n'ai pas raison de t'engager à faire ton possible afin de sortir de ce coquin de pays. » Après avoir passé le Niemen, arrivé à un quart de lieue de la ville, nous aperçûmes de loin, à cheval sur la route, plus de 2000 Cosaques et autres cavaliers. Nous arrêtâmes pour délibérer sur le parti à prendre, et aussi pour attendre ceux qui étaient en arrière. Un instant après, nous nous trouvâmes réunis environ 400 hommes de toutes armes. Nous formâmes une colonne afin de pouvoir, au besoin, former un carré. Des officiers qui se trouvaient parmi nous, il y en avait beaucoup, en prirent le commandement. Ensuite, 22 soldats polonais se joignirent à nous. Environ 50 hommes des plus valides et qui avaient de bonnes armes se mirent en tirailleurs, en tête et sur les flancs. Nous marchâmes résolument sur cette cavalerie qui, à l'approche des tirailleurs, se retira à droite et à gauche de la route. La colonne, arrivée à la hauteur des Russes, s'arrêta pour attendre quelques hommes encore en arrière. Quelques-uns seulement purent la rejoindre, car une partie des Cosaques se détacha pour arrêter les plus éloignés. Un nommé Bouzin, grosse caisse de notre musique, qui se trouvait du nombre de ceux qui étaient en arrière et qui faisait son possible pour rejoindre la colonne, ayant encore, chose étonnante, la grosse caisse sur son dos, et portant dans les mains un sac rempli de pièces de 5 francs, ce qui l'empêchait de marcher aussi vite qu'il l'aurait voulu, fut atteint par des Cosaques à 50 pas en arrière et sur la gauche de la colonne. Il reçut entre les deux épaules un coup de lance qui le fit tomber de tout son long dans la neige, et fit en même temps passer la grosse caisse au-dessus de sa tête. Aussitôt, 2 Cosaques descendirent de cheval pour le dépouiller, mais 3 hommes et un officier polonais coururent sur les Cosaques, en prirent un avec son cheval, et débarrassèrent le porteur de la grosse caisse, qu'il abandonna au milieu des champs. Il en fut quitte pour son coup de lance, et la moitié de son argent, qu'il distribua à ceux qui lui avaient sauvé la vie. Aussitôt la colonne se remit en marche au cri de « Vive l'empereur !» et en conduisant au milieu d'elle le Cosaque et son cheval. Humblot avait fini sa narration lorsque je fus forcé de m'arrêter, toujours pour mon indisposition. Pendant ce temps, il marcha doucement afin que je pusse le rejoindre. Ma besogne faite à la hâte, je me remis à marcher, mais à l'endroit où je me trouvais, il y avait beaucoup de monde qui m'empêcha d'avancer. Je repris la route, mais à peine y étais-je que j'entendis des cris répétés. « Gare, les Cosaques !» Je pense que c'est une fausse alerte, mais j'aperçois plusieurs officiers armés de fusils qui s'arrêtent et qui se posent bravement sur le chemin, faisant face du côté où le bruit venait et criant « N'ayez pas peur, laissez avancer cette canaille !» Je regarde derrière moi, je les aperçois tellement près que je fus touché par un cheval. Trois étaient en avant, d'autres suivaient. Je n'ai que le temps de me jeter dans le bois où je pensais être en sûreté, mais les trois cosaques y entrent presque aussitôt que moi, et malheureusement, dans cet endroit, le bois se trouvait fort clair. Je cherche à gagner l'endroit le plus épais, mais par une fatalité inouïe, mon indisposition me reprend et se fait sentir d'une manière insupportable. Que l'on juge de ma position. Je veux m'arrêter, mais c'est impossible car deux des trois cosaques ne sont plus qu'à quelques pas de moi. De sorte que pour ne pas interrompre ma course et me laisser prendre, je suis obligé de faire dans mes pantalons. Heureusement, quelques pas plus avant, les arbres se trouvent plus rapprochés. Les cosaques sont gênés dans leur course et forcés de la ralentir, tandis que je continue du même pas. Mais arrêté par des branches d'arbres couchées dans la neige, je tombe de tout mon long, et ma tête reste enfoncée dans la neige. Je veux me relever, mais je me sens tenu par une jambe. La crainte me fait penser que c'est un de mes cosaques qui me tient. Mais il n'en était rien, c'était des ronces et des épines. Je fais un dernier effort, je me relève, je regarde derrière moi. Les cosaques étaient arrêtés, deux cherchaient un endroit afin de passer avec leurs chevaux. Pendant ce temps, je me traîne avec peine. Un peu plus avant, je me trouve arrêté par un arbre abattu, mais je suis tellement faible qu'il m'est impossible de lever une jambe pour aller au-delà, et pour ne pas tomber d'épuisement, je fus forcé de m'asseoir dessus. Il n'y avait pas 5 minutes que je m'y trouvais, quand je vois les cosaques mettre pied à terre et attacher leurs chevaux aux branches d'un buisson. Je pense qu'ils vont venir me prendre, et déjà je me lève pour essayer de me sauver, lorsque j'en vois deux s'occuper du troisième, qui avait un furieux coup de sabre à la figure. Car il releva d'une main le morceau de sa joue qui pendait jusqu'à son épaule, tandis que les deux autres préparaient un mouchoir qu'ils lui passèrent sous le menton et lui attachèrent sur la tête. Tout cela se passait à 10 pas de moi. Pendant ce temps, ils me regardaient en causant. Lorsqu'ils eurent fini de recoller la figure de leur camarade, ils marchèrent directement sur moi. Alors, me voyant perdu, je fais un dernier effort. Je monte sur le corps de l'arbre, je prends mon fusil qui était chargé, et je me décide à tirer sur le premier qui se présentera. Dans ce moment, je n'avais affaire qu'à deux hommes. Le troisième, depuis qu'on l'avait pensé, paraissait souffrir comme un damné, se promenait de droite à gauche, en levant les bras et donnant des coups de poing sur le derrière de son cheval. Me voyant en position de riposter, les deux cosaques qui marchaient sur moi s'arrêtent et me font signe de venir à eux. Je comprends qu'ils disent qu'ils ne me feront pas de mal, mais je reste toujours dans la même position. J'entendais sur ma droite du côté de la route des cris et des jurements accompagnés de coups de fusil qui n'étaient pas sans inquiéter mes adversaires, car souvent je les voyais regarder du côté d'où venait le bruit, de sorte que j'espérais qu'ils m'abandonneraient pour penser à leur propre sûreté. Mais ne voilà-t-il pas qu'un quatrième sauvage arrive, paraissant aussi se sauver. Voyant plusieurs de ses camarades, il s'approche, m'aperçoit, veut marcher sur moi, mais voyant qu'avec son cheval seul à lui est impossible, à cause des arbres et des buissons, met pied à terre, attache son cheval près des autres, et un pistolet à la main en se couvrant des arbres avance contre moi. Les deux autres le suivent de la même manière. Il ne fallait certainement pas faire tant de cérémonies pour s'emparer de ma chétive personne, mais au bonheur, au même instant les cris qui venaient de la droite se font entendre avec plus de force accompagnés de coups de fusil. Les chevaux qui n'étaient pas fortement attachés sont effrayés, s'échappent du côté de la route, et les cosaques se mettent à courir après. Réfléchissant à l'état déplorable dans lequel je me trouvais, je me dis qu'il me serait impossible de continuer à marcher sans me nettoyer et changer de linge. On se rappelle que j'avais des chemises et une culotte de drap de coton blanc dans un porte-manteau de la montagne de Ponari. Ces effets appartenaient à un commissaire des guerres. Ayant ouvert mon sac, j'en tire une chemise que je pose sur mon fusil. Ensuite la culotte que je mets à côté de moi sur l'arbre. Je me débarrasse de mon amazone et de ma capote militaire, de mon gilet à manches en soie jaune piquée que j'avais fait à Moscou avec les jupons d'une dame russe. Je dénoue le cachemire qui me serrait le corps et qui tenait mon pantalon, et comme je n'avais pas de bretelles, il tomba sur mes talons. Pour ma chemise, je n'eus pas la peine de l'ôter, je la tirai par lambeaux, car il n'y avait plus ni devant ni derrière. Enfin me voilà nu, n'ayant plus que mes mauvaises bottes aux jambes, au milieu d'une forêt sauvage le 15 décembre à 4 heures de l'après-midi, par un froid de 18 à 20 degrés, car le vent du nord avait recommencé à souffler avec force. En regardant mon corps maigre, sale et mangé par la vermine, je ne pus retenir mes larmes. Enfin, réunissant le peu de force qui me reste, je me dispose à faire ma toilette. Je ramasse les lambeaux de ma vieille chemise et avec de la neige je me nettoie le mieux possible. Ensuite, je passe ma nouvelle chemise en fine toile de Hollande et brodée sur le devant. Mon pantalon n'étant plus mettable, j'enfourche au plus vite la petite culotte. Mais elle se trouvait tellement courte que mes genoux n'étaient pas couverts. Et avec mes bottes, qui ne m'allaient que jusqu'à mi-jambe, j'avais toute cette partie à nu. Enfin, je passe au plus vite mon gilet de soie jaune, ma capote, mon amazone, mon fourniment et mon collet par-dessus. Et me voilà complètement habillé, sauf mes jambes. Ensuite, je fis réflexion qu'il fallait décamper au plus vite, de sorte que je descendis de mon arbre. Lorsque j'eus fait environ 200 pas, j'aperçus deux individus, un homme et une femme. Je reconnus qu'ils étaient allemands. Ils me paraissaient être sous l'impression de la peur. Je leur demandai s'ils voulaient venir avec moi. Mais l'homme répondit d'une voix tremblante que non, et me montrant le côté de la route, ne me dit qu'un seul mot, « Cosaque ! » C'était un cantinier, sa femme, d'un régiment de la Confédération du Rhin, probablement de la garnison de Couvenot, qui suivait le mouvement de la retraite et qui, ayant comme moi été surpris dans le bois par le hurrah, s'était mis à l'écart. Sa femme lui conseillait de venir avec moi, mais l'homme ne voulut pas y consentir, et malgré tout ce que je pus lui dire, je me vis forcé, quoiqu'à regret, de m'en aller seul. Après avoir erré à l'aventure, pendant une demi-heure, je m'arrêtai pour m'orienter, car il commençait déjà à faire nuit. Dans la partie de la forêt où je me trouvais, il y avait de la neige en quantité. Aucun chemin n'était battu ni frayé, pas même tracé. Je m'asseyais quelquefois pour me reposer sur des arbres qui, par suite des grands vents, étaient tombés déracinés. Je saisissais les branches des buissons dans la crainte de tomber, tant j'étais faible. Mes jambes enfonçaient dans la neige au-dessus de mes bottes, de sorte qu'elles entraient dedans. Cependant, je n'avais pas froid. Au contraire, des gouttes de sueur me tombaient du front, mais les jambes me manquaient. Je sentais une lassitude extraordinaire dans les cuisses, par suite des efforts que je faisais pour me tirer de la neige, où parfois j'enfonçais jusqu'aux genoux. Je n'essaierai pas de dépeindre ce que je souffrais. Il y avait plus d'une heure que je marchais dans les ténèbres, éclairé seulement par les étoiles, ne parvenant pas à sortir de la forêt par la direction qui me semblait la meilleure pour rejoindre la route, et n'en pouvant plus, épuisé, essoufflé, je prends le parti de me reposer. Je m'appuie contre un tronc d'arbre où je reste immobile. Un instant après, j'entends les aboiements d'un chien. Je regarde de ce côté, je vois briller une lumière. Je pousse un cri d'espérance, et rassemblant tout ce que j'avais de force, je me dirige dans cette nouvelle direction. Mais arrivé à 30 pas, j'aperçois 4 chevaux et autour du feu 4 cosaques assis, et 3 paysans, parmi lesquels je reconnais le cantinier et sa femme que j'avais rencontrés, pris probablement par les cosaques qui avaient voulu s'emparer de moi. Je reconnus facilement celui qui avait un coup de sabre à la figure, car je n'étais pas à 20 pas d'eux. Je les regardais pendant assez de temps, me demandant si je ne ferais pas bien de m'approcher et de me rendre plutôt que de mourir comme un misérable au milieu du bois, car la vue du feu me tentait. Mais quelque chose que je ne saurais dire me fit faire le contraire. Je me retirai machinalement. Je les regardais encore. Je remarquai qu'il ne leur manquait rien, car plusieurs pots en terre étaient autour du feu. Ils avaient de la paille et les cheveux avaient du foin. Dans l'impossibilité de suivre, à cause de la quantité d'arbres, la direction que j'aurais voulu, je fus obligé d'appuyer à gauche. Heureusement pour moi, car après avoir fait quelques pas, je trouvais la forêt plus claire, mais la neige y était en plus grande quantité, de sorte que plusieurs fois je tombais. Une dernière fois je me relève, je regarde le ciel, je m'en prends à Dieu, qui veillait sur moi. Au moment où je me demandais si je ne ferais pas mieux de retourner au bivouac des Cosaques, je me trouvais à l'extrémité de la forêt et sur la route. Là je tombe à genoux et je remercie celui contre lequel je venais de m'emporter. Je marchais droit devant moi. Le chemin était bon. C'était bien celui que je devais suivre. Mais le vent que je ne sentais pas dans le bois soufflait avec assez de force pour se faire sentir à la partie de mes jambes qui n'était pas couverte. Mon amazone, qui était longue, me garantissait un peu du froid. Chose singulière, je n'avais pas faim. Je ne sais si les émotions que j'avais éprouvées depuis le hurrah en étaient la cause, ou si c'était l'effet de mon indisposition. Car depuis mon départ de l'écurie où j'avais mangé de la soupe et un morceau de viande, je n'avais pas éprouvé le besoin de manger. Cependant, pensant que je devais encore avoir un morceau de viande dans ma carnassière, je le cherchais et fus assez heureux pour le retrouver. et quoique durci par la gelée, je le mangeais sans discontinuer de marcher. Après mon repas, je levai la tête. J'aperçus sur ma gauche deux cavaliers paraissant marcher avec circonspection, et plus loin sur la route, un individu qui semblait marcher mieux que moi. Je doublai le pas pour le rejoindre, mais tout à coup je ne le vis plus. En regardant sur la droite, j'aperçus une petite cabane, et comme il n'y avait pas de porte fermée, j'entrai. Mais à peine avais-je fait deux pas dans l'intérieur que j'entendis résonner une arme et une grosse voix se fit entendre. « Qui va là ?» Je répondis « Ami !» Et j'ajoutai « Soldat de la garde !»« Ah ah » répondit-on, « d'où diable sortez-vous, mon camarade, que je ne vous ai pas rencontré depuis que je marche seul ?» Je lui contai une partie de ce qui m'était arrivé depuis le hurrah des Cosaques, dont il me dit n'avoir pas entendu parler. Nous sortîmes pour nous mettre en marche. Je m'aperçus que mon nouveau camarade était un vieux chasseur à pied de la garde, et qu'il portait sur son sac et autour de son cou un pantalon de drap, qui, suivant moi, ne lui servait de rien, mais qui pouvait m'être d'un grand secours. Je le suppliai de me le céder pour un prix, et lui montrai l'état de nudité de mes jambes. « Mon pauvre camarade, me dit-il, je ne demande pas mieux que de vous obliger, si cela se peut, mais je vous dirai que le bas du pantalon est brûlé à plusieurs places, et qu'il y a même de grands trous. N'importe, cédez-le-moi, cela me sauvera peut-être la vie. » Il le tira de dessus son sac en me disant « Tenez, le voilà. » Alors je pris 2 pièces de 5 francs dans ma carnassière, en lui demandant si c'était assez. « C'est bien, me répondit-il, dépêchez-vous et partons, car j'aperçois 2 cavaliers qui semblent descendre du côté de la route, et qui pourraient bien être les éclaireurs d'un parti de Cosaques. » Pendant qu'il me parlait, je m'étais appuyé contre le montant de la porte, et j'avais passé le pantalon dans mes jambes. Je le fis tenir, comme le précédent, avec le cachemire qui me serrait le corps, et nous partîmes. Nous n'avions pas fait 100 pas que mon compagnon, qui marchait mieux que moi, en avait déjà plus de 20 d'avance. Je le vis se baisser et ramasser quelque chose. Je ne pus pour le moment distinguer ce que c'était, mais arrivé au même endroit, j'aperçus un homme mort. Je reconnus que c'était un grenadier de la garde royale hollandaise, qui, depuis le commencement de la campagne, faisait partie de la garde impériale. Il n'avait plus de sac, ni de bonnet à poil, mais il avait encore son fusil, sa giberne, son sabre et de grandes guêtres noires aux jambes, qui lui allaient jusqu'au-dessus des genoux. L'idée me vint de lui les lui ôter pour les mettre au-dessus de mon pantalon et couvrir ses trous. Je m'assieds sur ses cuisses et je finis par les lui tirer. Ensuite, je me remets à marcher plus vite que de coutume, comme si celui à qui je venais de les prendre allait courir après moi. Pendant ce temps, le chasseur avait continué sa route, de sorte que je ne pouvais plus le voir. Un instant après, j'aperçus devant moi un grand bâtiment. Je reconnus que c'était une station, maison de poste, et me proposait d'y passer la nuit. Un fantassin en faction me cria « Qui vive ?» Je répondis « Ami !» et j'entrai. D'abord, je vis des soldats au nombre de plus de 30, dont quelques-uns dormaient, et d'autres, autour de plusieurs feux, faisaient cuire du cheval et du riz. À droite, j'aperçus 3 hommes autour d'une gamelle de riz. Je me laissais tomber à côté de ces derniers. Un instant après, j'essayais de parler à l'un d'eux. Pour commencer, je le tirai par sa capote. Il me regarda sans rien me dire. Alors, d'un ton piteux, je lui dis assez bas, afin que d'autres ne puissent l'entendre. « Camarade, je vous en prie, laissez-moi manger quelques cuillerées de riz, en vous payant. Vous me rendrez un grand service, vous me sauverez la vie. » En même temps, je lui présentai 2 pièces de 5 francs, qu'il accepta, en me disant « Mangez ». Il me remit un plat en terre avec sa cuillère, et me céda aussi sa place près du feu. Je mangeai environ 15 cuillerées de riz qu'il restait encore, pour mes 10 francs. Mon repas fini, je regardai autour de moi, afin de voir si je ne verrais pas le vieux chasseur. Je l'aperçus près d'un râtelier. Il était occupé à découper un bonnet à poil pour en faire un couvre-oreille. Ce bonnet était celui du grenadier hollandais qu'il avait ramassé, lorsque je l'avais vu se baisser. J'allais de son côté pour me reposer, mais à peine étais-je étendu sur la paille que la sentinelle cria « Alerte !» en disant qu'elle apercevait des Cosaques. Aussitôt, tout le monde se lève et prend ses armes. On entend crier « Ami, Français !» 2 cavaliers entrèrent dans la grange et, descendant de cheval, se firent connaître. Mais plusieurs les interpellèrent, et surtout le vieux chasseur qui leur dit « Comment se fait-il que vous êtes à cheval et fringués comme des Cosaques ? Probablement pour piller et détrousser les pauvres Français blessés ou malades. »« Ce n'est pas du tout cela, » répond l'un des 2 cavaliers. « Mais à vous voir, on le croirait. Nous pouvons vous prouver le contraire, et lorsque nous serons en place, nous vous conterons cela. » Celui qui venait de répondre, après avoir attaché les 2 chevaux et leur avoir donné de la paille, qui se trouvait en grande quantité dans la grange, revint près de son compagnon, qui paraissait marcher avec peine, et le prenant par le bras, vint le placer près de moi. Lorsqu'ils eurent mangé un morceau de pain et bu de l'eau-de-vie, dont ils paraissaient avoir leur provision, et en eurent fait boire un coup au vieux chasseur et à moi, celui qui avait conduit son camarade près de moi dit « Hier au soir, j'ai sauvé mon frère des mains des Cosaques, où il était prisonnier et blessé. Il faut que je vous conte cela, cela tient du merveilleux. » La veille d'arriver à Kovno, mourant de faim et de froid, et épuisé de fatigue, je m'écartais de la route avec deux officiers du 71e de ligne armée, comme moi, d'un fusil, afin de pouvoir passer la nuit dans un village. Mais après avoir fait environ une demi-lieue, ne pouvant aller plus loin sans nous exposer à périr de froid dans la neige, nous nous décidâmes à passer la nuit dans une mauvaise maison abandonnée, où fort heureusement, nous trouvâmes du bois et de la paille. Et comme j'avais encore de la farine de Vilna, nous fîmes un bon feu et de la bouillie. Le lendemain, de grand matin, nous nous disposâmes à partir pour rejoindre la route, mais au moment où nous allions sortir de la maison, nous la vîmes cernée par les Cosaques, au nombre de 15. Cela ne nous empêcha pas de sortir. Nous arrêtâmes devant la petite porte afin de les observer. Ils nous firent signe d'aller à eux. Nous fîmes le contraire, nous rentrâmes dans la maison, nous fermâmes la porte, nous ouvrîmes deux petites fenêtres et commençâmes un feu qui fit fuir les Cosaques. À une bonne portée de fusil, ils s'arrêtent. Mais nos armes étaient rechargées. Nous sortîmes de la maison, et sans perdre de temps, leur envoyâmes une seconde bordée qui fit tomber un cheval avec son cavalier. Ce dernier se débarrassa et abandonna sa monture. Nous nous mîmes à marcher au plus vite. Mais nous n'avions pas fait 50 pas que nous les vîmes marcher de notre côté. Un instant après, ils appuyèrent à droite. Mais c'était pour enlever le porte-manteau resté sur le cheval que nous avions descendu. Bientôt nous les perdûmes de vue, et nous arrivâmes sur la route qui conduisait à Kovno, où nous devions arriver le même jour. Nous nous trouvâmes au milieu de plus de 6000 traîneurs, et dans cette cohue, je fus, comme il arrivait toujours, séparé de mes camarades. Je marchais ainsi toute la journée, et il ne faisait pas encore nuit, que je me trouvais à une lieue de Kovno, près d'une Yémène. Je me décidai à traverser le fleuve sur la glace, afin de trouver un gîte comme la veille, car l'on y voyait des habitations. Étant sur la digue, j'aperçus à une demi-lieue sur la droite un groupe de 3 à 4 maisons, où je fus assez bien reçu par les paysans, et où je passai la nuit tranquillement. Le lendemain de grand matin, je me mis en route, afin de rejoindre la colonne de l'autre côté de Kovno. Mais lorsque je fus à 200 pas, je me trouvai, sans y penser, au milieu d'une douzaine de Cosaques, qui, sans me faire du mal et sans même penser à me désarmer, me firent marcher devant eux, et précisément dans la direction où je voulais aller. J'étais prisonnier et ne pouvais le croire. Après une heure de marche, nous arrivâmes dans un village. Là, on me débarrassa de mes armes et de mon argent, et je fus assez heureux pour sauver quelques pièces d'or cachées dans la doublure de mon gilet. Je me débarrassai de mon shako pour me couvrir la tête d'un bonnet de peau de mouton noir que voilà. Je remarquai que les Cosaques étaient chargés d'or et d'argent, et qu'ils ne faisaient pas beaucoup attention à moi. Aussi, je me promis bien de profiter de la première occasion pour m'échapper. Il pouvait être 10 heures quand nous partîmes du village. Nous rencontrâmes un autre détachement de Cosaques escortant des prisonniers, dont quelques-uns étaient de la garde impériale, qui avaient été pris en sortant de Kovno. Je fus joint à ces derniers. Nous marchâmes, en nous arrêtant souvent, jusqu'à environ 3 heures. Je remarquai que le conducteur était embarrassé, ne connaissant pas le pays. Avant qu'il fût nuit, nous arrivâmes dans un petit village où l'on nous fit entrer dans une grange et où nous passâmes tous à une visite très minutieuse. Je tremblais pour mon or. J'en fus quitte pour la peur. À peine avait-on fini de nous fouiller que j'entendis crier mon nom par un prisonnier que je ne connaissais pas. Je répondis « Présent ». Un autre prisonnier à l'extrémité répondit la même chose. Alors, m'avançant dans la direction dont la voix était partie, je demandai qui s'appelait Dassonville. « Moi, » me répondit mon frère, « que voyez-vous là ?» Jugez de notre surprise en nous reconnaissant, nous nous embrassâmes en pleurant. Il me dit qu'il avait été blessé le 28 novembre, par ici du pont de la Bérézina, d'un coup de balle dans le mollet de la jambe gauche. Je lui dis que mon dessein était que nous nous sauvions avant que l'on nous fît repasser le Niémen, puisque nous étions dans la Poméranie, pays appartenant à la Prusse. Il fallait profiter de l'occasion qui se présentait. Les paysans nous apportèrent des pommes de terre et de l'eau, bonheur auquel nous étions loin de nous attendre. L'on nous en fit la distribution. Nous en eûmes chacun 4. Nous nous jetâmes dessus comme des dévorants, et presque tous avouèrent que, pour le moment, il valait mieux être prisonnier mangeant des pommes de terre que de mourir libre de faim et de froid sur le grand chemin. Mais moi, je leur observais qu'ils seraient plus heureux de sortir de leurs griffes. « Qui sait, dis-je, si l'on ne nous conduira pas en Sibérie ?» Je leur montrai la possibilité de nous sauver, car j'avais trouvé derrière la place où j'étais couché avec mon frère que l'on pouvait facilement en détacher deux planches et passer aisément. On convint que j'avais raison. Mais je ne sais par quelle fatalité, une heure après, l'on vint nous dire qu'il fallait partir. Il commençait à faire nuit. Beaucoup d'hommes, accablés de fatigue, étaient endormis et ne voulaient pas se lever. Mais les Cosaques, voyant que l'on ne répondait pas assez vite à l'ordre donné, frappèrent à coups de knout ceux qui étaient encore couchés. Mon frère, qui à cause de sa blessure ne pouvait se lever assez lestement, allait être frappé. Je me mis devant, je parais les coups, pendant que je l'aidais à se relever. Et au lieu de sortir de la grange comme les autres, nous nous cachâmes derrière la porte, avec le bonheur de ne pas être aperçus. Tous les prisonniers et les Cosaques étaient sortis. Nous n'osions respirer. Trois Cosaques à cheval traversèrent encore la grange en galopant et en se regardant à droite et à gauche, s'il n'y avait plus personne. Lorsqu'ils furent sortis, je me traînai pour regarder en dehors. Je fis un paysan venir, je rentrai à ma place. Il entra dans la grange du côté opposé où nous étions. Nous n'eûmes que le temps de nous couvrir de paille. Fort heureusement, il ne nous aperçut pas et ferma les deux portes. Nous nous trouvâmes seuls. Il pouvait être 6 heures. Nous nous reposâmes encore 1 heure. Ensuite, je me levai pour aller ouvrir la porte, mais je ne pus y parvenir, de sorte qu'il fallut revenir à mon premier projet, celui de sortir en enlevant les deux planches. C'est ce que je fis. Le passage était libre. Je dis à mon frère de m'attendre et je sortis. J'avançai à l'entrée du village. À la première maison, j'aperçus de la lumière à travers une petite fenêtre, et lorsque je fus en face, je vis 3 grands coquins de Cosaques compter de l'argent sur une table et un paysan les éclairer. Je me disposais à me retirer pour retourner à la grange rejoindre mon frère, lorsque j'en vis un faire un mouvement du côté de la porte, l'ouvrir et sortir. Fort heureusement qu'un traîneau chargé de bois se trouvait près de moi pour me cacher. Je me mis à plat ventre sur la neige. Le Cosaque, après avoir satisfait un besoin, rentra dans la maison et ferma la porte. Aussitôt je me levai pour me sauver, mais comme il fallait passer vis-à-vis de la fenêtre, dans la crainte d'être vu, je fis le tour à droite. Je n'avais pas encore fait 10 pas qu'une porte s'ouvrit. Pour ne pas être vu, j'entrai dans une écurie et me couchai sous une auge dans laquelle des chevaux mangeaient. À peine y étais-je qu'un paysan portant une lanterne et suivi d'un Cosaque y entra. Je me crus perdu. Le Cosaque portait un porte-manteau. Il l'attacha sur son cheval, l'examina et sortit en fermant la porte. J'allais sortir moi-même lorsqu'une idée me vint d'enlever un cheval. Je m'empare au plus vite de celui au porte-manteau, mais en le faisant tourner pour sortir de l'écurie, quelque chose me tombe sur l'épaule. C'est la lance du Cosaque qui était appuyée sur son cheval. Je m'en empare pour me défendre au besoin et je sors. J'arrive près de la grange. J'aide mon frère à monter à cheval. Et moi, prenant la bride, nous marchons dans la direction de la route. Lorsque nous eûmes fait environ 200 pas, je regardais si je ne voyais rien venir. Je lui remis la lance du Cosaque et le couvris avec le plus grand collet à poil de chameau qui se trouvait sur le cheval. Après une demi-heure de marche, nous arrivâmes sur la route. Ensuite, tournant dans la direction de Gunbinden, nous aperçûmes des paysans occupés à enlever les roues d'un caisson abandonné. Pour ne point passer près d'eux, nous prîmes un chemin sur notre gauche, qui nous conduisit à l'entrée d'un village que nous aurions bien voulu éviter, tant nous avions crainte de retomber entre les griffes de nos ennemis. Dieu sait ce qu'il nous en serait arrivé, car nous voyant possesseurs d'un cheval et d'une arme appartenant à l'un des leurs, ils pouvaient penser que nous avions tué l'individu à qui tout cela avait appartenu.